Ne condamne pas celui qui veut croire. J'ai fait de l'enfer un manteau d'hiver pour te voir. À quoi bon l'espoir ou les illusions? Si je manque de temps, si le jour décline sur ma raison, qu'après je ne laisse. Et sur mes promesses tombe déjà le soir et l'ivresse du désordre humain. Je reviens chien parmi les chiens, je tendrai le poing, rien ne me retient.